Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Dans le sud-ouest lyonnais, la commune de Francheville a la main verte. Les Restos du Cœur y abritent un immense jardin dans lequel des bénévoles encadrent des travailleurs motivés, mais en quête d'un nouveau souffle professionnel. Valentin Magnien, étudiant en journalisme à l'ISCPA, est parti à la rencontre de Janine Frambourg, responsable des jardins d'insertion de Francheville, près de Lyon. Arrivée il y a 14 ans de cela, Janine Frambourg endosse aujourd'hui la responsabilité de tout le pôle espace vert. Sur place, on la retrouve au milieu des serres, au programme maraîchage et entretien des espaces verts nécessitant une douzaine de personnes, parmi eux plusieurs bénévoles des Restos du Cœur pour accompagner des salariés en pleine réinsertion professionnelle. Les souffleurs de feuilles sont d'ores et déjà en marche pour préparer l'automne, une équipe que Janine est fière de nous présenter. Il y a d'autres bénévoles aujourd'hui, je pense qu'il y a Antoine qui est le bénévole du mardi. On a un bénévole par jour de la semaine, mais ils font avec les salariés du jardinage. Ils sont bénévoles de terrain, c'est très important aussi. Ils les observent sur le terrain et puis ils ont leur importance dans l'accompagnement humain. Ces travailleurs perçoivent un salaire financé en grande partie par l'État, la métropole et la région. Une véritable passerelle vers le monde professionnel, sachant qu'en moyenne, un bénévole encadre 3 salariés en CDDI sur chaque atelier. Au Jardin du Cœur, les salariés ne sont pas confrontés qu'aux difficultés du marché de l'emploi, mais rencontrent également bon nombre de soucis de logement ainsi que de suivi administratif. Pour parer à ces déconvenues, les Jardins du Cœur ont engagé Bruno, un CIP. Donc ce conseiller d'insertion, lui, il va s'occuper plus des choses, des problèmes, parce que tous arrivent ici avec des problèmes, sinon ils ne seraient pas là. Des problèmes de santé, des problèmes administratifs. Alors, on a un gros souci, c'est les retards que prend la préfecture, mais c'est épouvantable, parce que ça met en suspens la vie des gens. Ils ne se rendent pas compte que c'est leur vie qui en dépend de ça. Ce processus d'insertion est établi sur une durée de 24 mois après l'obtention d'un agrément d'insertion lors d'un entretien d'embauche. Les bénévoles font appel à ces profils depuis des structures comme France Travail, Forum Réfugiés ou encore la Mission Locale pour les plus jeunes. Ce n'est donc pas un souffleur mais un vent d'espoir qui émane sur tous, bien que l'on ne connaisse en grande majorité que la distribution alimentaire au Restaurant du Cœur. Ces jardins d'insertion reflètent également un geste de confiance envers ces travailleurs dévoués. Merci à Arthur et Manu. Bonjour, je suis Bérénice Bourgueil. On vous retrouve dans quelques instants avec Que des filles. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi, tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages, et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse, lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Chauffer mon cœur. ce que la vie nous donne. Qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois. Non-stop. Ça chante, ça chante déjà. Bonjour tout le monde, je me présente Bérénice Bourgueil, je suis ravie de vous retrouver jusqu'à 16h. Nous allons vous solliciter pour mettre la main au portefeuille pour Aboulatune. Oui. Il faut donner des sous, les enfants en ont besoin. Et vous avez crash entendu... le cash. Voilà, vous avez entendu toutes ces jolies voix. Ben oui, c'est jolie voix, magnifique. Alors, nous avons un stagiaire aux manettes. Théo, en te remerciant, tu commences bien. On pourra tout lui mettre sur le dos. Il a des moufles, il fait froid à Paris. C'est ça. Vous avez entendu, tout le monde a commencé déjà à chanter. Sachez que dans cette émission, vous allez chanter, vous qui nous écoutez, mais vous qui êtes ici, et ça, je vous l'annonce. Oh, et quand bien, je dis vous, bien, je m'adresse, je vais faire le tour de table. Caroline Alexis est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Bérénice, bonjour les filles. Bonjour tout le monde. Chérie FM, 20h minuit, chérie Frenchie. Exactement. Pour situer, c'est pour les auditeurs, pour situer. Anissa Adadi. Salut les filles. Alors, salut à tous. Elle, marathonienne. Ouais. 7h, 11h, tous les jours sur Europe 1. Ouais. Il y a la matinale et que du bonheur. Média. Mais oui. Que du bonheur. Ravie de vous retrouver. Merci. Ma chère Anissa. On va se vous voyer pas du tout, on va se tutoyer. Marie-Pierre Chambry est avec nous. Merci de m'accueillir, Bérénice. RFM, et bon, plein d'autres radios le comme meilleur tout le monde de ici. La musique. On s'est toutes croisées. On s'est toutes croisées à peu près dans les radios. Europe 1, RFM. C'est une grande famille, la radio. Voilà. Mais bien sûr, tous les jours, midi, 16h. En ce moment. Karima Charny. Coucou tout le monde. Re-coucou, parce que j'étais avec Arthur et Manu juste avant. Je ne bouge pas. Je squatte. C'est la chanteuse du groupe. Ah ouais. Oui, bah oui. C'est pour ça, c'est elle qui va chanter. On ne moufte pas. Elle nous a juste dit je vous rappelle que j'ai fait la Starac 4, mais je n'ai pas gagné. J'ai perdu. Il y a des raisons. Donc, voilà. C'est le rayon de soleil de la Starac de maintenant. Dis donc. Mais c'est vrai. Et il se passe un truc le 12 octobre. On est de retour. Voilà, la Starac de retour sur. Le rêve reprend. Sur TF1. Ouais. Et telles les sœurs Williams, elles sont toujours ensemble. Edia. Bonjour, Edia. Bonjour, Edia. Salut, Edia. Salut, Edia. Edia Charny, experte musique. Ouais. Attention. Et pop culture. C'est un peu mon truc, mais je sais absolument pas chanter. Le talent musical, c'était pas dans mes gènes. J'ai tout laissé à ma sœur. Je suis là pour toujours dire du bien de ma sœur, mais là, elle a raison. Ouais, eh bien, je ne veux pas mettre la mésentente dans une famille, mais sachez que cette émission, le thème de cette émission, c'est la chanson. La première fois. Oh. Ah. Et Edia, je tiens à te le dire, ça va être ta première fois de chanteuse aujourd'hui. Wow, sorry, grosse pression. Mais moi, en fait, je chante faux, ça me dérange pas. C'est pour le public que ça va être désagréable. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais évidemment, parce que je chante, tout le monde chante. L'idée, c'est de pas faire fuir les gens aussi. Oui, c'est vrai. Et de leur donner envie de. Non, mais ça peut faire un chouette bêtisier, hein, ceci dit. Ça peut faire le buzz. On a des chanteurs qui vont arriver aussi. Des chanteurs dont c'est le métier. Voilà. Hein, quand même, bien sûr, heureusement. Pour certains et certaines. Oh, pour les trois. Ouais. Pour les trois, une première fois à Radio Resto. Exactement. En tout cas. Si je vous dis, allez, Caroline, c'est pour vous. Une première fois, c'est quoi votre première fois? Ah, une première fois. La première fois, par exemple, que j'ai sauté à l'élastique. Waouh, quelle horreur. Ah, ok. Parce que dans la radio où j'étais, à l'époque, j'étais à Nantes, à Radio France, et on a fait un tour de table. Bon, c'était dans les années 90, ça commençait juste. On a fait un tour de table et les garçons, donc les animateurs, ont dit « Ah non, surtout pas, j'ai trop peur !» Alors du coup, comme j'ai fait 1m60, je faisais 40 kilos à peu près à l'époque, j'ai dit, bah moi je le fais, voilà, je serai plus forte que vous. Wow. Magnéto, j'avais un petit magnéto sur sur le ventre, évidemment, je pouvais pas avoir un gros nagra. Alors les auditeurs savent pas forcément, mais un gros nagra, ça pèse très très lourd. Oui, c'est très lourd. Voilà, c'est un appareil pour enregistrer, pour faire des sons. Hein. C'est un gros magnéto et on m'a mis un câble avec le petit micro. Hop, roule. Je monte par une nacelle jusqu'à 21 mètres de haut. Et puis à un moment donné, il a fallu sauter. Alors je l'ai fait. Mais j'avais oublié de leur dire que je ne faisais que 43 kilos. Or, je vous précise que si vous, aujourd'hui, vous avez l'intention de faire un saut à l'élastique, précisez bien que vous êtes très léger. Parce que quand l'élastique tombe, il ne peut pas se tendre quand on est trop léger. Ça a été mon cas. Non, t'as pas touché le sol. Donc, au lieu de faire comme ça, non, j'ai fait. Voilà, ouais, ça a été affreux. Et j'ai eu tout le sang qui me montait à la tête. Oh là là. Et quand le monsieur est venu me récupérer la tête en bas, il vous a pas reconnu. Il a dit tu pèses combien? Ah oui, c'est bien de poser la question après. Sinon, c'était merveilleux. Bah, ça nous a donné envie de. Anissa. Anissa, écoutez-moi, Anissa. Écoute-moi. Oui. Anissa, 14h11. Oui. Pour ceux qui nous écoutent là maintenant. Et puis même s'il n'est pas 14h11, parce que vous nous écoutez en podcast et voilà, on est le 28 septembre, mais on est peut-être le 3 décembre et vous nous écoutez. Mmh. C'est très bien, c'est une très bonne chose. On peut encore donner. Alors, on a dit, boule, la thune. Crash le cash, vas-y. Non, mais il faut donner de l'argent là. Il faut donner de l'argent parce que cette année, on va aider les jeunes mamans, les bébés, parce que les bénéficiaires des Restos du Cœur, ce sont aussi des bébés, des enfants en bas âge de 0 à 3 ans. Il faut savoir que 126 000 bébés ont été accueillis l'année dernière au Restos du Cœur. Donc cette année, c'est pour eux qu'on se mobilise. Les Restos du Cœur ont distribué l'année dernière 171 millions de repas et accueillent 1,3 million de personnes. Donc c'est pour tous ces gens-là qu'on s'est réunis aujourd'hui, certes pour passer un bon moment, pour rigoler, etc. Donc pour faire des dons, c'est simple, on va sur internet, on va sur l'appli. Et voilà, Karima, je suis en train de le faire en direct. Radio Resto, t'es en train de faire un don là, alors, Karima? Exactement. Okay. Alors écoutez-moi, 142 695 ou 695 pour les Belges. Oui. Je suis la seule Belge ici. Oui, la reine de Belgique. Les pitié. Oui, non. Bah non, pas la reine. Attention, il y en a une vraie, presque. Oh, disent les gens qui leur ont coupé la tête. Mon Dieu, non, j'ai dit Sa Majesté, la Reine Mathilde, ce n'est certainement pas moi. Donc 142 695 euros collectés là, en ce moment même. L'objectif est de 150 000. Il est 14h12, on est là pendant 2 heures. Bah attendez, il reste quoi, 4 000 euros là? Non, 142 000, Anissa. Ah, il reste 8 000 euros. C'est déjà beaucoup. Bah, oui. On les fait avant 14h30. Largement. C'est la trésorière. Hein. Je surveille. La trésorière, c'est Anissa. Oui, Caroline. Non, je précise aussi qu'un don de 100 euros peut aider un bébé pendant 3 mois. Mmh. Et après déduction, ça vous fait 25 euros simplement. Ouais. Voilà. On a des comptables. Tiens, en parlant de comptables, je vais vous présenter un ami à moi qui aime bien les chiffres. Ce sera dans quelques instants. Avant ça, on a dit. Hey, on n'a pas dit qu'on chantait? Allez, on a pas dit qu'on dansait là? On chante? Ça, là-dessus, tu touches pas. Bah, comment ça, non, je touche pas? Non, tu touches à rien là. Mais quoi, je touche pas? Non. On danse, on chante. Attends, ah oui, je touche pas. On fait l'intro. Ah, on peut pas chanter? Non. On écoute. Karima, ouais. Elle a dit qu'on pouvait pas chanter. Attention, il chante. Girl, close your eyes. Let that rhythm get in. Yeah. a dit qu'on chantait pas. Elle est bien. Enfin, Marie-Pierre a dit qu'on chantait pas. Rock non, sur Michael. Pas sur Michael. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci de nous rejoindre, Caroline, Anissa, Marie-Pierre, oui. Karima, on est là. Yes. On est toutes là. Alors c'est vrai qu'on est entre filles. L'émission s'appelle Oh les filles. On parle des premières fois, mais on accueille aussi des garçons. Bien sûr, on aime les hommes. Pas sectaire, nous. On aime ceux qui ont du talent. Hommes. On aime les hommes. Alors, Karima, t'as essayé, t'as fait un don, ça marche. Hein. Oui, ça fonctionne. Mais je voulais te le confirmer. Ah, d'accord, je suis contente. Et je confirme. Et je veux que les autres aussi fassent un don, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Ça monte. Combien ? Ça monte. On est à 142 920. Allez, on a dit 150 avant 14h30. Non, il reste 13 minutes. Mais oui, en tout cas, on passe le prochain palier dans notre émission. Ah oui, avant 16h. Il faut qu'on dépasse les 150 000. On peut faire un petit don, plusieurs petits dons. Exactement. Et un gros don. Il faut savoir que là, on va atteindre peut-être les 150 000 euros avant 16h. Par palier de 50 000 euros, c'est 100 bébés aidés. Hein. Pendant un an. 50 000 euros aide 100 bébés pendant un an. Nourriture, puriculture, tout. Évidemment, ça c'est très important, secondes, hein. Mais faut pas oublier que les gens ont pas beaucoup de sous et qu'ils ont bien l'intention de donner. Ne serait-ce que 10 euros, ça paraît peu. Bah même 5. Mais un kit bébé, énorme. Tout le monde donne 10, c'est vous rendez compte, les filles. Voilà. Et on a une réduction d'impôt sur les dons qu'on fait. Pour les gens qui hésitent parce que on essaye de faire des économies, etc., qu'en ce moment c'est dur, et ben même si vous donnez 10 euros, vous aurez une réduction d'impôt sur ces 10 euros-là que vous avez donné. Les cordons de la bourse sont bien tenus. On compte sur vous. Merci. Edia, je me tourne vers toi parce que spécialiste quand même musique sur MTV, on te retrouve tous les jours jusqu'au dimanche. Hein, jusqu'au aussi. Lundi au dimanche. Oh, de 9h à 12h30, elle est là sur MTV. Alors, on s'est dit, voilà, ce sont des premières fois. Une première fois d'un chanteur à Radio Resto, un jeune chanteur qui est là, qui est en train de se préparer, de s'installer. Tu peux nous le présenter, Edia ? Complètement, on a beaucoup de chance d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Radio Resto Basile Palace et Alex, qui l'accompagnent au clavier. Salut Basile ! Salut les garçons ! Comment ça va ? Ça va super, ouais, super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu viens d'où ? Je viens de Paris. Dans le nord de Paris, on s'est rencontrés avec mon clavier quand on avait 4 ans. Et ils se sont jamais quittés depuis. Quand il dit son clavier, c'est le clavieriste. Parce qu'il ne parle pas au piano. Tu peux faire ce que tu veux. Hein, vas-y, tu peux parler au piano. Moi, je connais des gens qui parlent aux plantes. Moi, je parle aux arbres. Alex est quand même un être vivant. C'est un être humain qui joue du clavier. C'est juste pour préciser. C'est exactement ça. Et donc, on le disait, Basile Palace, c'est un nom royal pour ce chanteur parisien qui voulait être rappeur. Et t'as le même. Pour la petite anecdote, t'es fan d'Eminem. Ouais. Et comme toi, il y a un chanteur qui débute, hein, un petit nouveau qui s'appelle Ed Sheeran. Qui est aujourd'hui chanteur, mais qui a voulu débuter dans le rap parce qu'il était fan d'Eminem. Comment vous dites Ed Sheeran. Il démarre. Et toi, t'as une petite spécialité, c'est qu'en fait, tu mixes tes deux passions, la pop et le hip-hop, dans ta musique. Exactement. Et on pourra aussi découvrir ça en live à Paris le 19 décembre au Hasard Ludique. Il reste encore des places. Donc vous pouvez encore choper vos places et on va découvrir tout ensemble avec toi ton dernier single, Dernier Round. Super. Dernier round qu'on va requalifier de premier round vu que ce sont les premières fois. Désolé. On est d'accord. J'ai le titre de la chanson là. messieurs, c'est à vous en live. C'est Radio Resto, 14h20. La vie m'a mis knock-out, depuis plus rien ne compte. Je viens d'en bas comme l'Uppercut, mais je vis que des hyperchutes. Je me prenais pour Mike Tyson, j'attends jusque la cloche sonne pour revenir dans mon coin jusqu'au dernier round. Hey. Jusqu'au dernier round. Jusqu'au dernier round. Dans le bal des sentiments, souvent tout nous semble étrange. On joue le match en mi-temps et j'ai pas le cœur en ciment. Faut que mon clan me répare et enfin que je me prépare à encaisser tous les coups pour rester debout jusqu'au bout. Moi je suis toujours sur ma garde, mais les problèmes par mes gardes arrivent en enchaînement et j'ai pas l'entraînement pour contrer tous ces coups-là. Et ça fait très beaucoup mal aux quatre coins du ring. Je me prenais pour le king, maintenant je sais plus que dire et je voudrais juste tenir jusqu'au dernier round. Shit. Jusqu'au dernier round. Jusqu'au dernier round. Dans le bal des sentiments, souvent tout nous semble étrange. On joue le match en mi-temps et j'ai pas le cœur en ciment. J'ai pris des coups derrière le dos et de côté. Mon espoir est haut et bientôt je vais imploser. Je sais pas ce qui répare les coups, tu saurais saurer. Quand t'es juste sonné, la tête c'est plus raisonné. Pourtant je vais tout tenter, activer tous les plans B, m'entraîner jusqu'à tomber. Tant que je suis pas plombé, je garde les gants sans penser à l'élégance. Mais je jette pas l'éponge, Dieu sait que je me battrai jusqu'au dernier round. Jusqu'au dernier round. Jusqu'au dernier round. Ah, ah. Jusqu'au dernier round. Jusqu'au dernier round. Viens Basile, viens, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Eh, c'est pas bien ça les filles? C'est génial. Jusqu'au dernier round. On adore. Jusqu'au premier round. Il faut faire une remix pour nous maintenant. Ouais, voilà. Ouais. Bah oui, il faut. Sa première fois à radio resto. Bravo, bravo. Oui. Basile, merci beaucoup. J'adore. Merci. Basile, quand on s'est appelé, oui. D'ailleurs, je tiens à remercier. Bah, elle aurait pu être avec nous aussi, une animatrice, Stéphanie Loire. Oh, bah oui, Steph. Quelle voix, Steph. Oh là là, je la déteste tellement, elle a une bonne voix. Ouais. Belle non, voix, évidemment. Belle, tout. Non, ouais, tout. Elle a tout pour elle. Gentil. Un beau chien. Non, mais Steph m'a dit il faut absolument que tu appelles Basile Palace. Alors, quand on s'est eu. D'entrée de jeu, toi tu dis ok je viens. Ah bah oui, moi je vais. J'ai pas une histoire directe avec les restos, mais en l'occurrence, la meilleure amie de ma maman, qui gère ma boîte de musique, elle a été responsable de centre d'un resto, des Restos du Cœur pendant très longtemps. Maintenant elle est chez Habitat Humaniste, donc voilà. Quand je lui ai dit que je venais, elle était hyper, hyper heureuse. Hyper contente. Bah oui. Et là, le fait. Enfin, forcément. Qui va répondre par la négation à cette question? Moi, les enfants, excuse de honte, c'est pas mon truc. C'est pas ma priorité. Les enfants qui sont voilà, dans les 0-3 ans. Oh là surtout les 4-7, ouais, j'aime bien. Ouais. Mais les 0-3 ans. Ça nous rappelle trop de mauvais souvenirs. Ils font pas leur nuit, tout ça. Donc, voilà, les enfants, évidemment, ça touche. Tu as des enfants? Évidemment, non, pas encore. Bon, quand même pas. T'as quel âge? J'ai 27 ans depuis pas longtemps. Ah ouais, tu l'as fait, hein. Ah ouais, ça commence. Putain, mais c'est vrai, ça fait peur. Il y a quelque chose de Philippe Catherine dans ta voix. Ah, c'est vrai. Exactement ce que j'allais lui dire. Okay, bah, ouais. On le dit très souvent. Alors, ouais. Moi, j'adore Philippe Catherine, mais j'ai pas l'impression. Enfin, je le vois pas. Mais je sais qu'on me le dit. Et sur des intonations de voix, je vois que c'est vrai. Et dans tes inspirations musicales, il y a un peu de Hervé aussi, non, j'imagine. Il y a un peu. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ouais, bien sûr. Mais arrêtez, c'est Basile. Non, mais ça fait partie d'une famille. Parce que vraiment, le rassouffle, très impressionnant. Merci beaucoup. Ah bah ça fait plaisir. Bon, MTV, Basile, c'était mon enfance. Basile, on a besoin de toi pour inciter ceux qui nous écoutent, que ce soit en live ou après en podcast, à mettre la main au portefeuille. Ouais. Eh ben moi j'ai une bonne raison de le faire. Alors c'était pas pareil lié au resto, mais quand j'étais petit, j'étais à l'hôpital parce que j'avais une leucémie. Et il y avait donc beaucoup de bénévoles, que ce soit des clowns, des musiciens, des gens qui venaient pour réjouir un peu les enfants qui étaient sur place. Et en l'occurrence, il y a un monsieur qui était venu jouer du violon, et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire de la musique faire après. De la musique. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai voulu commencer le violon, et c'est ça qui m'a mis dans la musique. Donc, c'est grâce à des bénévoles et à des dons, et grâce à tout ce qu'on peut financer, que moi j'ai pu entrer dans un monde qui me plaît beaucoup. Et on sait à quel point c'est important de enfin, à quel point ils font vivre la société. Et c'est important, c'est de essentiel. Donner et d'aider les autres. Et c'est super ce que tu as dit. Moi, ça y est, j'ai déjà la chair de poule, c'est la clim. Hein, et en plus, ça a un rapport, puisque pour les petits, il y a l'accueil des petits, il y a les récréations, il y a les livres animés, il y a tous les gens qui racontent des histoires. Et ça, ça se finance aussi. Bah, bien sûr. Ça coûte de l'argent, mais il a mis en exergue les bénévoles. Ouais. Et on ne serait pas grand-chose. Tous les bénévoles des restos et tous les bénévoles de France, de toutes les associations. Ouais, de France. C'est vrai. Ce ne serait pas grand-chose sans les bénévoles. Toutes les causes sont bonnes. Aujourd'hui, on défend celle-ci. Je sais que chacune d'entre nous, voilà, on en défend d'autres aussi. Mais aujourd'hui, on est là pour le Resto du Cœur. Merci, Basile. Merci beaucoup. Tu as chauffé la place. Et tes paroles. Ça grimpe. Ah, bah, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. On est à 143 500. Alors, Basile, merci. Il faut rechanter une chanson. Parce que si ça grimpe, on prend. T'as chauffé la place. Nous, on s'est un petit peu chauffé. Vous avez envie de chanter, les filles. Envie. Vous avez... Si. Non, j'ai envie, pas dit. Oui. Est-ce que les gens ont envie de nous entendre? Non, les gens ont besoin de nous entendre chanter. Nous, avec une professionnelle. Est-ce que vous avez envie de nous entendre chanter? Je vous pose la question. Répondez. Le numéro de téléphone. Caroline, est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? 01 850 90 600. Voilà, je dis Caroline, c'est Karima qui répond. C'est tout à fait normalement. Il n'y a pas de souci. Je l'ai vu, je l'ai dit. Encore une fois. Le 01 850 90 600. Pour avoir tous les hommes près de chez toi. Oui. Non. Pour faire un don. L'année prochaine. Non, pour nous appeler. Ce numéro-là, c'est pour nous appeler. Mm-hmm. Et pour nous dire où vous, vous venez nous raconter vos premières fois, mais des premières fois de dingue. Hein. Ouais, des fous. Des premières fois de dingue, exactement. Elle a envie de chanter. Ou pour nous dire oui, on a envie que vous chantiez. Si c'est le cas. Dans quelques minutes, je fais appel à un ami belge que vous connaissez toutes. Qui a avalé tous ses cours de solfège. Et ce n'est qu'une note de musique. Ah, il a sa guitare et il est là. Ah ouais, on et l'adore. Il est là. Et c'est un jukebox ambulant. Et il va nous faire chanter. Tu donnes son nom maintenant? Non. Mais non, faut rester. Faut savoir. Savoir. Non, et alors, okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire. C'est l'amour. Oh, j'adore. Un indice. C'est l'amour, mon. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalous? C'est l'amour. Ah, on était encore à l'antenne? Eh ben voilà, ouais, c'est très bien. Balance le. Vous voulez vraiment qu'Anissa chante? Non. On se retrouve après ça. Faites des dons. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than the Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Ouais. Pardon. Ah, on est à l'antenne. Maroon 5. Pardon. Non, mais j'ai mieux qu'Adam Levine. Ah oui. J'ai beaucoup mieux qu'Adam Levine. Oui, oui, oui, je le ramène. Mais c'est Laurent Petit Guillaume. Je le... Ah, ah, ah, il est non, où ah, ah. Quoi? Ah, quelle heure est-il, Anissa? 14h33. 14h33. Les filles, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Bérénice? Non. 150 955. Ouais. Prochain objectif. Mais on est content. Prochain objectif, 250 000 euros. Allez, allez, c'est parti. On y va. Prochain palier. Pourquoi? Pourquoi prochain palier? Parce que dans cette émission, nous aurons le fameux jeu que le monde entier nous envie. Question pour un cordon. Non, un gros don. Un gros don. Un gros don. Un cordon. On est là, Bérénice, t'inquiète. Ouais, t'as pensé au cordon. J'étais médical. Dans le don de cordon, moi. C'est ça. Parce qu'on parle d'enfants et tout, j'étais dans le don de cordon. Question pour un gros don. Je trouve ça un peu. Pardon. Mais c'est drôle, on prend. Mais on avait dit qu'il fallait faire le buzz. Voilà. Alors, il y aura ça dans cette émission. Et vous pouvez nous appeler au 01 850 90 600. Faut que je réfléchisse parce que je suis prête à dire 90. Vous vous inscrivez et vous allez peut-être pouvoir répondre correctement à trois questions. Vous avez intérêt parce que si vous répondez correctement à trois questions, bim. Je tiens à dire qu'au niveau des règles, on peut totalement tricher, les filles. Ah, on peut là, c'est vrai. Dire qu'on non, peut c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est du direct et moi j'y vais et voilà, on m'a dit t'es la chef. Alors que pas du tout. Donc j'ai dit bien sûr qu'on peut tricher. C'est pas vrai, on ne peut pas, Karima, mais on va quand même le faire. Ah, c'est voilà. Très dangereux, mais on va quand même le faire. Là, parce que l'auditeur, l'auditrice qui donnera trois bonnes réponses à ce jeu que je viens de rebaptiser pourra offrir 60 000 euros de plus. Bah, au taquet. Bah. Donc, c'est bien, il n'y a pas de question. 01 850 90 600. Je vous disais mieux qu'Adam Levine. Alors vas-y. Ah, oui. Les filles, Alec Mention est avec nous. Oh les filles. Alors Alec Mention, évidemment, je vous ai donné l'indice. C'est l'amour. On va pas vous réduire que à. On va pas te réduire que à. C'est l'amour, mais quand même. Bah, je veux bien l'amour. Il y a pas de problème. Ah oui, tu. Mais quel tube. Non mais toutes ces filles, c'est incroyable. Vous savez que c'est souvent les filles qui chantent dans Star 80, par exemple. On a remarqué que la plupart des voix, c'est des voix féminines qui montent de la salle. Qui monte de la salle. Il monte de la salle. Mais nous, on n'a qu'une envie, c'est de chanter. Et il a quand même vendu plus d'un million de disques. Quand on vendait des disques. Ouais, c'est ça. Et alors, en ce moment, il fait. Parce qu'on parle des premières fois. Et c'est quand même une première fois que ça existe, ce concept, Alec. Ah oui, c'est un truc. C'est un one-man show que je vais lancer en 2025. Qui s'appelle Alors on chante au cinéma. Tiens, non, ça me dit quelque chose. Alors on chante. Ouais, si vous voulez, c'est un clin d'œil à mon ami Stromae. En fait. C'est quoi? C'est un one-man show dans les cinémas. Je joue dans un film, mais je sors du film parce que je suis poursuivi par un monstre qui veut arrêter la musique sur Terre. Vous sortez de l'écran? Je sors de l'écran et je demande au public de m'aider à combattre ce monstre en chantant les chansons le mieux qu'ils peuvent. Oh, il s'appelle pas Renaud Rutten, ce monstre? Exactement. Oh, je le connais. Méfiez-vous. C'est vrai? Méfiez-vous de Renaud Rutten. Et donc, ça donne quoi? Est-ce que pour une première fois ici en radio, tu pourrais nous faire un petit test là? Oui, en fait, c'est un test sur d'abord, je teste le public, savoir de quoi ils se souviennent, même des chansons dont ils ne se souviennent pas, par exemple, années 60. Faut bien parler dans le micro, Alec. Oui. Hein, parce on n'était pas nés années 60, mais nos parents, oui. Bah non, oui. Alors, j'en ai marre des écrans et tout, donc je souffle les paroles. D'accord. Okay. Comme ça, vous avez l'impression de connaître la chanson. Donc je fais, nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Nous n'irons plus jamais. Faut respecter le timing, hein. Ah oui, ce soir, c'est plus la peine. Ce soir, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Comme les autres années. Attention, tout le monde. Capri, c'est fini. Capri, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Donc tu vois, c'est fini. C'est fini, c'est bien. C'est un truc très très court. Et dit, je partais. Ah ouais, on était partis. Ah ouais, parti. On frustre le public. Alors, on frustre. Alors, est-ce que Alec, on pourrait te demander voilà. à la demande, ou alors tu veux nous faire une espèce de quiz? Je peux vous tester sur des chansons. Allez, si je fais. Parti. Moi, je suis toujours. Au début, c'est années 60. Après, on va s'approcher de notre époque. Oui, ce serait mieux. Je jouerai la balle. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tu veux je continue ? Non, une autre. Allez, une ah ben, j'adore. C'est... Non, une autre. Madame, non, une autre. C'est toujours 60. Satisfaction. Toutes ces filles. I can get no. Vous n'étiez même pas nés. Satisfaction. And I try. And I try. C'est fini aussi. Oh non, c'est... Ah non, la frustration. J'adore la frustration. Caroline. Mais tu fais toujours pareil avec tout le monde, avec ton épouse aussi. Quand tu... Ah stop. Ah, voilà. Non, ça c'est elle qui dit c'est fini. Ah oui. Mais moi non, jamais. Mais... C'est pour ça que je fais ça. Moi je m'attendais à ce que ce soit Anissa qui balance ça. Ouais. Mais c'est Caroline. Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai raté un peu le spectacle. Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est, voilà, c'est fini. Non, ça commence. Alors, reste avec nous, Alex, si tu veux. T'as le temps, là ? J'ai le temps de faire au moins 10 extraits de 10 secondes. C'est pas mal comme jeu, ça, pour gagner les sous avec l'auditeur. Eh bien, alors, on va prendre une auditrice. On a une auditrice. Bonjour, quel est ton prénom ? Juliana. Oh, salut, chérie. Alors, écoute, Juliana, elle a 9 ans. Mm-hmm. Et Karima, ça va être pour toi. Ah, coucou, Juliana. Bonjour. Ça va, Juliana, tu nous racontes ton histoire, ta première fois ? Bah, ma première fois, je suis allée au concert de la Star Academy. Oh, Michette, c'était là cette année, t'as été à quel concert ? Dans quelle ville ? À Poitiers. À Poitiers, c'était bien ? Ils étaient chouettes ? Oui. T'as passé un bon moment ? Oui. Allez, entre nous, il n'y a que nous. C'est qui ton préf ? Julien. Ça peut être une fille ou pas ? Ah bah bien sûr, c'est ta préférée ou ton préféré. Oui, c'est ta préférée, c'était qui ta préférée ? C'est Elena. Elena, Elena, Belgique. C'est la Belgique. Je ne pouvais pas faire plus plaisir à Bérénice puisque Bérénice et Elena ont un point commun important, la Belgique. Eh oui, le royaume. Eh oui, le royaume, la main sur le cœur, la Brabançonne. Tu fais la Brabançonne ? Bravo, je me lève si tu chantes ça. Je me lève. Je fais le service militaire, moi. Le roi, la loi, la liberté. Oh, la main sur le cœur. Ils ont la main sur le cœur. C'est notre pour de star vrai, en Belgique, ceux qui sont en train de nous regarder. Non. Elena, oui. Oui, mais Elena. Vous savez qu'en France, on l'appelle la reine de Belgique. C'est le surnom d'Elena. Non, alors là, écoutez, les filles. Sachez-le. Non, c'est pas loin. Moi, je suis très sympa. Mais à un moment donné. Respectez les institutions, le protocole. À un moment donné, je ne rigole pas. Je l'ai dit tout à l'heure sur le ton de la blagounette. Il y a quelques temps, vous leur avez qu'on leur coupe la tête. Mais nous ne l'avons pas fait. Alors, je dis attention, je veux bien dire des 95 et des 72, même si ça n'a pas tellement de rapport. Oui, on fait des efforts quand même. Oui, nous, on fait des efforts. On a appuyé sur le mauvais bouton. En plus, on le dit avec beaucoup de respect musical. Absolument. Alors, dites de Queen si vous voulez, hein, de Belgian Queen. Mais la reine, c'est. Est-ce qu'elle chante bien déjà, la reine Mathilde ? La reine Mathilde ? Ouais. Alex ? Ouais, écoutez, j'ai fait un concert. Quand elle est saoule. Oh, mais ça va pas. Il y a une petite au téléphone. Mais qui a dit quand elle est saoule ? Mais pas du tout. Non, mais c'est du Caroline. Tout. Non, mais Caroline, non, mais c'est pas possible. Non, on va avoir un problème. La Qu'est-ce police belge arrive. Mathilde ne boit que l'eau de spa. Vous ne connaissez pas, mais l'eau de spa, c'est. Voilà. Elle ne boit que ça. Ah, mais j'ai fait un concert 80 pour le roi et la reine cet été. À l'Île-Dieu, parce qu'ils ont une maison à l'Île-Dieu. Rien que pour eux. Ouais. Non, pas pour eux. Ils étaient 6000, mais eux étaient dans la foule incognito. Et ils avaient demandé de venir. Et c'était génial. Et ils faisaient les bras et tout. Moi, je les voyais de la scène. Mais les gens ne les reconnaissaient pas. Et ils buvaient du bon vin parce que vous avez de l'excellent vin. Belge, bien sûr. Non, en France. Ah, nous, on a du bon vin. Nous, vous avez parce que là, de la je crois que c'est bière. La blague du jour. Vous avez, vous avez de la mauvaise bière, mais on a du bon voilà, vin. Et Marie-Pierre, Marie-Pierre, c'est un petit peu notre maman. T'as tout à fait raison. Il y a Juliana qui est avec nous. Juliana, donc c'est Elena ta préférée. Ça, je comprends bien. Tu vas faire quoi le 12 octobre prochain ? Tu sais ce que c'est ? Dans 2 semaines, il y a la Starac qui reprend. Eh oui. Tu vas regarder TF1 avec Karima. Et avec Karima, tu connais Karima ? Tu as vu Karima la saison dernière ? Il y a 2 ans ? C'est pas non, non, j'ai eu peur qu'elle dise non. Non, parce que moi je t'ai vu quand Karima, même. Karima, est-ce que t'as vu les candidats de cette année ? Est-ce qu'ils sont bien, les élèves ? Oui. Ça va être un super casting. L'émission va être formidable. L'émission va être très bien. On est très très fiers, comme Juliana et comme tous ceux qui sont venus assister au concert et qui nous ont regardé de la promo 2023. Mais je peux vous dire aussi que la promo 2024 va être très très bonne. Il faut que ce soit que ça change. Il faut que tout soit différent. Juliana, t'as envie de devenir chanteuse ? Chanteuse, non, j'ai envie de devenir coiffeuse. Ah, oh, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a des coiffeuses sur les plateaux de la Starac et sur tous les plateaux. Et tu pourras peut-être coiffeuse de la Starac, la 132e édition. Ouais, elle a 9 ans. Oh, il y en a, on sera encore là dans 20 ans. Regardez, on est revenu 20 ans plus tard. Mais Juliana, en plus, on va l'écouter, Elena, si c'est ta préférée. Ah oui. On va écouter Elena, ça c'est un cadeau rien que pour toi. Mais alors Juliana, il y a tes parents avec toi ou tu es avec des adultes avec toi ? Avec papa et maman. Papa et maman. Alors, même 1 euro, même 2 euros, tu dis à papa et maman qu'il faut donner un petit peu de sous, ou beaucoup, hein, s'ils ont envie, pour faire un don pour les Restos du Cœur. Ça va, Anissa ? Pour les enfants. Les enfants, les jeunes mamans, les enfants de 0 à 3 ans. Alors, on a passé le cap des 150 000 euros. Hein. On avait dit 14h30, il était 14h33. Je pense qu'on peut faire un gros cap avant 16h. On a, 1h15 devant nous. Faites des dons, c'est très simple. Soit vous installez l'appli Radio Resto, c'est très simple. En plus, Karima qui a par exemple installé sa carte bleue sur son téléphone, ce qu'on a beaucoup, la carte bleue, et ben, vous n'avez même pas besoin de rentrer quoi que ce soit. Exactement. Ni numéro de carte bleue, ni quoi que ce soit. Direct c'est connecté. En plus, vous avez des réductions d'impôts. Vous avez une réduction de 75% de votre don sur votre prochaine déclaration d'impôts. Donc, c'est énorme. Et vous allez aider les enfants de 0 à 3 ans. 50 000 euros aide 100 bébés pendant un an. Donc là, on est à plus de 150 000. On passe un cap. Donc voilà, Juliana, si tu veux passer un petit message à tes parents, ils vont sur radio.restoducœur.org ou sur l'appli Radio Resto. Voilà, et on te l'a promis parce que nous n'avons qu'une parole ici. Ce cadeau, on t'embrasse très fort, Juliana. Bisous, Juliana. Et rien que pour toi, voici Elena. L'été arrive, soleil à la fenêtre. Summer body me dit vite, mais je me sens pas prête. Il l'a mis dans les magazines. Des filles trop fraîches, à la silhouette trop fine. Pour être honnête, l'été est là, ça fait longtemps que je l'attends. Je mets du vernis sur mes toits et je me bouche les oreilles. Je veux pas entendre ce que t'as à me dire, ni ce que je dois faire pour être belle. Mais comment être belle avec les cheveux pleins de sel? Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. La plage est pleine, coup de soleil sur la tête, le corps recouvert de crème et la peau trop pâle. Le bikini en vitrine, il va pas sur moi. Je suis entourée de filles sublimes, je rêve qu'elles n'existent pas. Non, je vais pas cacher mes poignets gonflés par l'amour. Trois kilos, c'est quoi? Il y en aura toujours trop ou pas assez. Tu me fous le seum en plein été. Dis-moi, toi qui sais comment être belle, je fais quoi de ma peau qui pèle? Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, la morale de l'histoire, c'est que t'es juste un miroir déformé de moi. T'es là sur mon épaule comme un mauvais diable accroché à ma peau. Mais je sais que tu n'existes pas. Si je dis que tu n'existe pas. Summer body, je vais bien, tu sais quoi? Summer body, j'ai passé l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Radio Resto, question pour un gros don. Et ça, je le savais, hein. Quand on fait une émission avec que des filles, et blablabla, bla bla, et je discute, et blablabla, bla bla, et je chante, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Question pour un gros don. Non, mais cordon, c'était bien aussi tout à l'heure. Avec le cordon, ouais, le cordon. C'est pas mal. J'en ai plein d'autres qui finissent en on, mais je vais pas le faire là. Menton. Alors, sachez c'est que. C'est quoi ce rire agricole là? C'est mon oncle qui est sorti de mon corps. J'ai eu un rire très bien. Attends, je remets une suze et fait un petit tac au tac. C'est mon oncle qui est sorti de mon corps. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, on peut plus dire ça. Hein. L'imitation, non, mais très, très grave. Alors, dans votre pays, je ne sais pas, mais non. Chez nous. On n'a pas le droit, non. On n'a pas le droit, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Donc, je voulais dire. La question. Oui, non. Question pour un gros don. Vous voulez vous inscrire? Le numéro du standard, c'est le 01 850 90 600. Pourquoi appeler? Pour répondre à trois questions. Bon, autant vous dire, ouais, ça va aller. Hyper bastoche. En plus, on va vous aider. Quoique, vu le niveau, je suis pas sûr. Mais non, je plaisante. Si vous donnez trois bonnes réponses, et c'est ça qui est important. 60 000 euros. C'est énorme. Caroline. Non, mais attention, c'est pas l'auditeur qui joue qui va donner les 60 000 euros. Eh bien, si. Mais non, pas du tout. Mais faut c'est jouer, grâce à la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui offre ce gros don supplémentaire au Resto du Cœur. Mais on ne donne pas ça comme ça. Non, il faut donner un peu de sa personne aussi. Et répondre correctement à trois questions. Les filles. Il a donné de sa personne également et je lui ai demandé de venir. On est venu, j'ai affrété un car avec tous mes amis belges, Alec, là. Et puis, alors je ne sais pas si vous êtes des fidèles de Radio Resto. Moi, ça fait trois ans, c'était ma première fois à Radio Resto et c'était sa première fois aussi. Quand je dis il, c'est François qu'on a définitivement baptisé François le Belge, même si ça fait un peu limite. Ouais. C'est très Alain Delon, les films d'Alain Delon. Ça fait un peu voyou. Il a tous sauf une tête de voyou. Hein, je vous le confirme. Ah, ok. Je suis sorti de prison, mais j'étais le gardien. François le Belge. Alors François, la première fois que tu es venu à Radio Resto, c'était par le téléphone. C'est par le téléphone. Tu as écouté, comme ton nom le dit, enfin ton pseudo, tu es belge, mais vous pouvez nous écouter partout dans le monde, grâce à l'application. Et tout, hein. Exactement. On est belge, mais on se soigne. Oui. Parle bien dans le micro, j'ai l'impression qu'on t'entend pas, t'entend pas trop bien. Si ça va. Ah. Alors François, la première fois que tu es venu, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben je ne suis pas venu, enfin j'étais resté chez moi. Oui, voilà. Il est venu par le téléphone, maintenant il est venu. C'est toi qui physiquement. C'est toi qui m'avais signalé que tu faisais ça et comme on se connaît depuis longtemps et qu'on fait beaucoup de... Ne raconte pas tout, François. Ça va me gêner. Eh bien, bref, tu m'as dit de venir et je suis venu. Non, c'est pas vrai, mais j'ai l'habitude de rassembler autour de moi des gens qui ont un peu de sous et qui sont sensibles à la solidarité. Alors, bon, comme je disais, on est belge, vous êtes français, mais j'ai toujours dit que... La misère ne connaissait pas de frontières. Malheureusement, il fallait que la générosité n'en connaisse pas non plus. Et donc voilà, on est venu. On n'a aucun avantage fiscal, comme vous avez l'air de le dire. Pour nous, ce sont des dons qui ne sont pas déductibles fiscalement, puisque c'est Renman au niveau des chiffres. Hein, d'accord. Non, mais c'est si, au niveau des chiffres. Mais on s'en fiche. C'est pas toujours la fiscalité qui doit. Alors, qui doit guider le monde. François, je t'interromps. François parle beaucoup et très longtemps. Donc moi, je suis là à chaque fois. À chaque fois, on se dispute et tout parce que je dis François, il faut se taire et tout ça. T'es trop long. Mais surtout, surtout. Comme je dis, faut se taire. Voilà. François prépare son one man show aussi. Non, ça c'est espagnol. Pardon. Voilà, donc on n'est pas rendu. Non, mais je vais le dire à sa place. Il est hyper méga humble. François est ici. Ça, comme on dit en Belgique, et ça tombe bien, ça lui coûte de venir ici. C'est-à-dire que il y a des caméras, on l'entend, on le voit, tout le monde. Et il n'aime pas se mettre en avant. Mm-hmm. Je le dis, il ne le dira pas forcément, mais c'était important. C'était important parce que François, il y a 2 ans, a offert avec son entourage. Il a réussi à récolter une cagnotte et il a offert. À l'époque, on offrait des camions. Il a offert un camion. L'année dernière, François est revenu. Je m'appelle, oui. Et François a dit, eh ben voilà, j'ai pu en parler autour de moi avec mes camarades, mes amis, mes connaissances. On a récolté une cagnotte et on a réussi à acheter Deux camions. Chaque année, on a un camion en plus. Chaque année, on a un camion. Donc, cette année, mais on attend l'appel de François le Belge tout le temps. Alors, et là, il est là en vrai. Alors, il est là en vrai, en chair et en chair. Non, et pas. Je rigole. Allez, je rigole, François. On se connaît bien. Alors, c'est pas toujours plus, toujours plus haut, toujours là. François, aujourd'hui, t'es là aussi pour faire passer un message, pour dire à tous ceux qui nous écoutent que eux aussi peuvent le faire. Ben oui, on essaye d'être un exemple et d'être suivi. Je l'ai toujours dit pour l'institution qui sponsorise les dons, là, l'Alliance du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel Alliance Fédérale, oui. J'ai toujours dit, il faudrait que d'autres prennent l'exemple et fassent quelque chose de semblable. On est Bernice et moi, on est actifs dans plusieurs opérations de ce type-là, de générosité. C'est parfois un petit peu décevant de voir qu'on est tout seul devant et que personne vient derrière. Bien sûr. Je lance un peu un appel à d'autres gens qui peuvent aussi organiser des cagnottes, qui connaissent aussi des gens qui ont des sous. Et qui peuvent se mettre ensemble. La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Oui, c'est vrai. Et l'oignon fait la soupe. Et d'ailleurs, en Belgique, on a fait les Restos du Cœur en Belgique, qui ont vraiment cartonné, qui remplissaient des salles comme en France. Et dommage qu'on ne connaissait pas François le Belge. Ah ben non, il faut venir en France pour connaître. Il faut aller chercher François le Français. Et les bébés restos, ils sont partout. Et puis avec la frontière aussi, la Belgique, tout le monde est. Il n'y a pas de frontière dans là-bas. La misère. Ouais, donc, on est d'accord. Mais François le Belge est avec nous. François, tu as un peu de temps. Tu vas rester pas tout le temps pour parler, parce que tu vas parler beaucoup trop. Est-ce qu'on peut appeler ses amis qui sont très riches? Non, pas ses amis, mais peut-être. Les Français, vos amis français. Nous, on est là, les petits Belges, comme vous dites. Eh bien, on est là juste pour. Il y a un téléphone qui sonne. Ouais. On est là pour dire, c'est possible. Vous pouvez aussi réunir. Vous avez des amis qui sont pas forcément très riches, mais qui ont peut-être plus de moyens. Vous vous réunissez tous et peut faire une grosse cagnotte et on peut faire monter. On en est où là d'ailleurs? Tu m'as désigné comme au Monopoly, je tiens la banque. Très bien, t'as tout à fait raison. 151 925. Allez, on fonce, Alphonse. François, t'as quand même le droit de choisir une chanson. Ah. On a notre jukebox humain. Alec Mention est avec nous. Et on a le choix entre quoi? Ce que tu veux, c'est quoi ta chanson préférée? Il peut chanter. Non, mais toi, t'as envie. Qu'est-ce que t'aimes bien comme chanson? Oh là là. Faut bien parler dans l'esquimau, François. Moi, une chanson qui me parle beaucoup parce que les paroles sont extraordinaires. C'est une chanson américaine, c'est Simon & Garfunkel qui chante Bridge Over Troubled Water. Je trouve que peut revenir en deuxième semaine. Tu l'as ou pas? C'est l'old time of me. Mais il est incroyable. C'est l'old mine. Yaourt, on s'en fout. François. Non, c'est bien. Vas-y. Oui, ça, François Lebel, il continuera. Ça, c'est vraiment embarqué dans le camion. Il faudrait se concerter avant de le faire. Ouais. C'est un beau cadeau quand même, parce que c'est dur, cette chanson à faire. Mais elle est merveilleuse, elle a toute une histoire. Elle devait d'abord être très courte et elle devait être uniquement à la guitare. Et puis, ils ont décidé de changer au dernier moment, ils ont fait du piano. Et puis, pendant l'enregistrement, ils ont décidé qu'il fallait lancer un deuxième couplet. Et là, ça devient symphonique, il y a tout cet orchestre derrière. Moi, je trouve que c'est une des plus belles chansons. Mais indépendamment de ça, le texte est très lié à la cause ici, parce que un pont au-dessus de l'eau trouble, on ne peut pas ignorer la pauvreté, on ne peut pas ignorer ce qui se passe sous nos yeux. C'est un pont qu'on fabrique. Et c'est vrai, là oui, on met le niveau. C'est vrai, c'est d'ailleurs une chanson de cette époque de Simon & Garfunkel, le texte était très très important. À part Cécilia, évidemment. Oh, Cécilia, you break in my heart. Ça, c'était une chanson joyeuse. J'adore son yaourt. Toute la beauté de ces mots. Oui, ça résonne dans mon être. Taisez-vous. Anissa est la gardienne du trésor. Moi, je suis la gardienne du temps. 14h56. Je vous rappelle là maintenant le numéro du standard 01 850 900 600. Dans la deuxième heure de cette émission, question pour un cordon pour ramener 60 gros cordons. Mais un gros don. Ah, ça fait deux fois. Mais c'est pas possible. Faut le renommer, ce jeu. Mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir en plus. Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est pas de la mienne. Ça sonne belge, hein. Question pour un gros don. Mais quoi qu'on dit, les cordons de la bourse, donc on n'est pas sûr. Mais voilà, c'est pour ça, je pense qu'au fric. Non, je pense aussi à la musique. Oh, mais c'est pas possible. Question pour un gros don. Et ben voilà, embêté, un gros don. Très bien. Now he's thinking about me. Carpenter. On va faire que chanter dans la deuxième heure, surtout restez avec nous. Et puis surtout, oui, je parle sur les jingles, c'est nouveau. Et puis surtout, venez faire des dons. On se retrouve après les infos, un flash info réalisé par les élèves de l'IGENCIA. Je m'appelle Anthony Borde et je suis en troisième année à l'école de journalisme ICP à Lyon. Aujourd'hui, je vous propose de vous immerger quelques instants dans la vie de bénévoles des Restos du Cœur, et plus précisément de ceux qui font partie de l'action qu'on appelle Camion du Cœur. Je suis parti à la rencontre de deux bénévoles à Villeurbanne qui m'ont fait part de leur quotidien dans ce milieu. Bénévole au Resto du Cœur depuis un an maintenant, Léa a 28 ans et a toujours eu cette heureuse habitude d'être dans le milieu associatif en parallèle de son travail. Motivée à donner de son temps pour faire du bien, la Lyonnaise vient au Camion du Cœur une fois par semaine le mardi soir, une action qui rentre parfaitement avec son emploi du temps. C'est plus une question d'horaire, parce que la plupart des associations, il faut être disponible en journée, et quand on travaille, c'est pas possible. Là, ça permet de venir le soir. Après, bah aussi parce que les Restos du Cœur, c'est connu, et voilà, l'organisation, elle est top. J'ai déjà fait d'autres associations où, en termes d'organisation, c'était un peu plus compliqué, et du coup, c'est plus compliqué de maintenir un engagement. Là, c'est très très bien organisé. Chaque mardi soir, Léa a des missions différentes sur la base du volontariat. Ce qui les rattache, c'est que tous les bénévoles arrivent afin d'installer le site. Ce soir-là, la jeune femme surveille la file extérieure tout en saluant et en discutant avec les personnes attendant leur repas. Pour elle, c'est une mission de lien social surtout, et les fréquenter dans le temps de quelques heures pour leur venir en aide, cela force l'empathie et ça permet aussi de créer des liens solides et véritables. Ben, j'en retire que déjà, ça peut être n'importe qui hein, qui est ici. Donc, rester humble voilà, et se rendre compte, reconnaissant surtout de nos situations parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Éline est bénévole au Camion du Cœur depuis 4 ans. Elle est donc plus ancienne que Léa et c'est le lien social qui la motive également. Pour elle, le repas, c'est un point d'accroche pour parler aux gens. Bah, c'est d'aider les gens et d'essayer d'alléger un peu la journée pour les personnes qui arrivent. Que ce soit par un sourire, prendre des nouvelles, montrer qu'on fait attention à tout le monde. Étant plus ancienne que Léa, Éline dispose d'un poste plus relevé. Celle-ci est la responsable de soirée. Chaque mardi soir, elle a différentes tâches qui sont de préparer la soirée en amont, vérifier le nombre de bénévoles disponibles et surtout faire en sorte que tout se passe bien le jour même de la soirée du Camion du Cœur. Pour Éline, c'est une expérience humaine enrichissante et tout comme Léa, elle crée du lien avec des personnes marginalisées et dans le besoin. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça donne aussi un cadre où on peut entrer en contact avec des personnes où on ne le ferait pas forcément aussi facilement, entre guillemets, hein. Dans un autre cadre, quelqu'un qu'on croise dans la rue, on ne sait pas trop comment l'aborder, comment lui parler. Et au camion, en fait, on est là pour ça. Mais comme le cadre est défini, c'est aussi plus facile d'établir un échange, un lien entre deux personnes comme ça. Merci pour votre écoute et je vous rappelle que les Restos du Cœur cherchent continuellement des bénévoles. Tout comme Léa et Éline, vous pouvez aussi le devenir. Engagez-vous sur le site officiel ou auprès d'un centre proche de chez vous. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui y croient jusqu'au bout, qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson. Une chanson pour un soir. Une chanson pleine d'espoir. Pour tout repeindre en clair, allumer les lumières. C'est juste une petite chanson. Qui viendra belle et grande. Si on chante tous ensemble. Si on unit nos voix. Si tu chantes avec moi. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. C'est juste une petite chanson. La la la la la. Une petite chanson d'amour la, la, la, la, la, la. Pour tous ceux qui sont pour. C'est juste une petite chanson qu'on chante à l'unisson. Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon. C'est juste une petite chanson du cœur de la raison. On rêvait de la lune. C'est possible à l'unisson. C'est juste une petite chanson. Un truc sans prétention. Un petit bout de mélodie. Une caresse, un rire, un frisson. C'est juste une petite chanson. Toute simple comme un bon choix. Une petite chanson. Une chanson d'amour. C'est juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui y croient jusqu'au bout. Qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson. Qui viendra. Le monde de la radio, ensemble pour les Restos du Cœur, c'est Radio Resto, saison 5. 15h06, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre à Radio Resto saison 5. Je suis Bernice Bourgueil, entourée de Caroline, Alexis, Danissa, Adadi, oui. De Marie-Pierre, oui. Chambry, de Karima et Edia Charnier, elles sont sœurs. Donc voilà, tout le monde est là. Et puis il y a un homme. l'homme de la situation. Bonsoir. Bonsoir, Alec Mention. Et vous avez entendu les informations, Caroline, des informations données par l'école Hygentia. Oui, exactement. Je voulais les remercier parce que vraiment, les studios pour accueillir Radio Resto, magnifique. Les studios sont merveilleux. C'est propre. L'accueil est incroyable. C'est voilà. Propre. Et ce sont d'ailleurs les nouveaux studios, les Swiffer de Studec, et dans cette ça belle école Hygentia. Merci encore. Eh ben, on les remercie. Ils ont fait ça rien que pour nous. Exactement. C'est magnifique. Ils savaient qu'on venait. On va essayer de rendre ça aussi propre. Alors, avant de chanter, parce qu'on a décidé qu'on allait chanter, on parle de nos premières fois. Vous pouvez nous parler de vos premières fois. Et si ça se trouve, vous pouvez réaliser une première fois là maintenant, c'est-à-dire une première fois en faisant un don ou une première fois en faisant une bonne action. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent à donner. On vous offre la possibilité d'offrir 60 000 euros en une seule fois au Resto du Cœur. C'est formidable. Pour les enfants. Allez. Et pour ça, c'est très simple. Pour ça, vous appelez le 01 850 90 600. 01 850 90 600. Vous répondez à trois questions. C'est à chaque fois la 2 qui est la bonne réponse. on n'a pas entendu. Non, personne n'a entendu. T'inquiète pas. On n'était pas à l'antenne. Pardon. Pardon, ça m'a échappé. Non, mais il y a huissier là qui est pas content. Mais... C'est comme le cordon, voilà. Le gros don. T'étais sur le cordon. Voilà, j'étais sur le cordon. J'étais sur la corde raide et puis hop, je frute. Voilà. Bref, vous vous inscrivez, vous répondez à trois questions qui sont assez faisables. Mmh. On est toutes là pour vous aider en plus. Et vous encourager en plus. Et grâce à vos trois bonnes réponses, 60 000 euros pour le Resto du Cœur. C'est juste un appel téléphonique. 01 850 90 600 pour les Restos du Cœur. 15h08. Alec, on était dans les années 60, que nous ne connaissions pas. Vous avez passé le test, vous avez bien réussi, je crois. Voilà, nous n'avons pas connu. En même temps, Mozart, on n'était pas contemporain, mais on connaît. Et c'est 1760, oui, c'est vrai. Les années 70. Alors, années 70. On n'a pas connu non plus. Les belles chansons, on connaît, on s'intéresse à la chanson. Non plus, vous n'étiez pas nés. On n'était pas nés. Ah bah non, évidemment. Et on écoute des chansons toute la journée, quand même. Oui, en plus. On connaît tout. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu notre métier. Mais bien sûr. Il y en avait plein des chansons. 70, attends, il y a des trucs que vos parents écoutaient. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. C'est une romance. Pour tout le travail. D'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Il rentrait chez lui. Là-haut dans le brouillard. Là-haut dans le brouillard. Elle descendait dans le midi. Elle descendait dans le midi. Non. Le midi. Okay. 15h09. C'est fini. Oui, faut arrêter. On a midi. Dit midi. Il arrête en cours. Tu vois, elles ont l'impression de connaître les paroles quand on connaît les. Alors c'est un karaoké bio. C'est un karaoké. On les connaît. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Et celle-là, mais celle-là, je sais pas. Alors celle-là, c'est laquelle ? Les paroles sont très faciles, c'est. Pour un flirt. Pour un flirt avec toi. Je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Avec qui ? Avec moi. Je serai prête à tout. Je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous. Pour un simple rendez-vous. Pour un flirt. Pour un flirt. Avec ou sans la langue ? Avec toi. Avec toi, avec mon pour un petit tour. Pour un petit tour. Écoutez ces voix de filles. Un petit jour. Entre tes bras. Entre tes bras. Vous devez monter ici, montez. Au petit jour. Au petit jour. Entre tes draps. Entre tes draps. Merci Karima. Karima, je propose un truc. La chorale des Restos du Cœur. Et je propose un truc. Nous, on fait le leaping, c'est-à-dire qu'on fait bouger nos lèvres. Et il n'y a que Karima et Alex qui chante. Voilà. T'en as encore une. Dans les moins aigus. Un peu moins aigu. Attends. Notre terre est une vieille étoile. Où toi aussi tu brilles un peu. Où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter. Je viens te chanter. La balade. La balade des gens heureux. Deux fois la même chose. Je viens te chanter. La balade. La balade des gens heureux. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce qu'elle connaissait pas très bien. Oui, en plus, je connais pas. Donc bravo. Bah, wow. Je la connais par cœur. Et alors, les années 80, ça te parle. Oui. Ça te parle mieux. T'étais pas née. J'étais pas née, toujours pas. Voilà, donc on est né hier. Voilà, on est né hier. Qu'est-ce que les gens disent ? T'as une. Alors, oui, il y a un hymne absolu des années 80. C'est. Il n'y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Oh mon Dieu. Pas de saison pour que vive le sang. En marchant, tu donnes une cadence à tes pas. Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a volé. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça. Tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pique. On a trouvé des décibels dans ton checker. Besoin. Les auditeurs les continuent chez eux. Mais ouais. Oui, mais bien sûr, les non, non, non, parce que les auditeurs, ils chantent pas. Les auditeurs, Anissa, ils font quoi? Ils font des dons. Radio Resto, voilà. L'appli, le don direct. Karima vient de faire un don. Je suis témoin, hein, c'est encore ma voisine. Elle a c'est fait un don. Et son don, on va pas dire le montant, mais son don va aider un bébé pendant 3 mois, Karima. Oui. Le don que tu as fait va aider un bébé pendant 3 mois. Mais on va dire donc combien c'est parce que c'est important pour que tout le monde sache. 100 euros, voilà, vous aidez un bébé pendant 3 mois, c'est hyper important. Alors, c'est très facile à faire, alors n'hésitez pas, faites-le si vous le pouvez. Je suis désolée, hein, je suis à fond sur les réductions d'impôts, hein, tout ça, mais il faut savoir que Karima t'a donné 100 euros à l'instant sous mes yeux. Et bien en fait, tu auras donné 25 euros après la réduction d'impôts. Parce qu'il y a 75% de réduction d'impôt sur le don que vous faites. Mmh. Donc au final, quand vous aurez déclaré votre don sur votre déclaration d'impôt, eh bien on vous remettra 75% de ce don-là. Donc n'hésitez pas, l'appli Radio Resto ou radio.restoducœur.org. On en est où de la cagnotte? Mais est-ce que je vous en pose des questions? Ouais, oh c'est la chef, là, hein. On est à... Ça se rafraîchit. Attention parce que ça augmente à 152 611. Wow, allez, pas mal. On continue. Dans quelques minutes, oui. Marie-Pierre, t'es pas venue toute seule? Non, je suis venue avec une chanteuse, une artiste qui s'appelle Marie Poulain. Ah bah que oui. Vous connaissez, elle oui. a fait un très beau duo avec Allo, mais elle a fait aussi des chansons toute seule. Mm-hmm. Elle est sur scène aussi toute seule avec sa guitare et son talent. Et sa chanson s'appelle La Demande. Et justement, je trouvais que ça allait apporter, en plus de la beauté de cette chanson, un message. C'est bon, la demande en mariage, quelle que soit la demande, nous aussi on est en demande aujourd'hui. Et vous allez voir que cette chanson, elle représente quelque chose. Il y a de la magie quand elle chante, Marie Poulain, et j'avais envie de vous le faire partager. Et elle va venir la chanter en live dans... Et c'est sa première fois. Le studio de Radio Resto, et c'est sa première fois à Radio Resto. Mais moi, j'ai une demande à vous faire, vous qui nous écoutez. C'est là, il est 15h14. Allez, je vous donne 10 secondes pour nous appeler au 01 850 90 600 pour venir discuter avec nous, pour répondre à 3 petites questions hyper faciles et surtout pour donner 60 000 euros à Radio Resto. Caroline. C'est quoi ta première fois, toi? En quoi? J'avais... je devais avoir 9 ans. D'accord, ok, bon, très bien. C'est une émission familiale, évidemment. Les bêtes. Mais oui, mais bien sûr. 01 850 90. Non, non. Allez, c'était sûr. Il allait sortir, le 90. Ah, il fallait le faire une fois. Allez. On peut siffler? Bah, même siffler, je sais pas. Pas mal, quand même. Non, pas du tout. Elle le fait beaucoup mieux que nous. LP sur Radio Resto, Lost on You. When you wanna go to play no sane, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, long for the days of no surrender years ago. And will you know? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. Lost on You. Ce que vous entendez, c'est Marie Poulain qui est en train d'accorder sa guitare. On doit faire ce qu'on appelle une balance. Edia, oui, toi, tu connais bien la musique. Alors, explique un peu aux auditeurs, faire une balance. Une balance, c'est une répétition un peu générale. Tu testes tes instruments, tu testes ta voix. Le niveau. Le niveau de musique. Ouais, savoir si on s'entend. Alors, Marie est en train de faire ses tests. Il y a toute l'infrastructure technique. On vous explique un petit peu les coulisses de ça. Donc, il faut essayer, il faut tester, il faut voir les niveaux. Et puis, non, François, viens t'asseoir là. Et alors, il faut meubler à un moment donné, donc on appelle François. Pour dire François, le Belge. Pendant que François s'installe, je voudrais vous dire. Alors, Caroline, tu m'as fait une réflexion. Je me suis dit, bah, non, quand même pas. Mais peut-être que tu as raison. Quand je vous dis 01 850 90 600 pour venir jouer et répondre à une question et donner 60 000 euros au Resto du Cœur, c'est pas vous. Hein. C'est pas vous qui les redonnez, oui. Voilà, c'est grâce à vous. En fait, vous déclenchez la cagnotte. Exactement, c'est grâce à vous. Si vous arrivez à avoir trois bonnes réponses d'affilée, eh ben, on se débrouille. Vous inquiétez pas, on va y arriver. On va trouver 60 000 euros. Non, mais on les a. On les a, mais on peut pas les mettre. Mais on n'a pas le droit, nous, de les utiliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'un auditeur réponde aux trois questions. C'est le seul moyen d'enclencher. Tête de tic. Ouais, Satan. Vous faites bien la cagnotte. J'ai trouvé le. Voilà. Alors on peut se fiche de moi quand je dis question pour un cordon, mais vous faites très bien la cagnotte. 01 850 90 600. François le Belge est de retour avec nous. C'est sa troisième participation à Radio Resto, mais la première fois en vrai, c'est ici, dans le studio, parce qu'on parle aussi, on l'a un peu oublié, mais on parle aussi des premières fois. Donc je rappelle que François, la première année, a acheté un camion, la deuxième année, deux camions. Là, il est avec nous nous parler du bienfait de donner et d'aider de les autres. De remplir les camions. Et de remplir, c'est plus des camions, mais de remplir... Avec les produits de bébé. Avec des produits de bébé. On parle de bébé ? On parle de bébé, oui, voilà. En guise d'apéritif, si j'ose dire, je suis impliqué chez nous en Belgique dans une entreprise qui est active dans... La puriculture et dans les vêtements pour les petits. Et si je me souviens bien, la première chanson que Coluche avait lancée, il disait « On n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid ». Alors évidemment, on parle beaucoup de donner du lait au bébé, de donner des choses comme ça, mais on ne parle pas beaucoup de les protéger contre le froid. Oui. Et donc cette entreprise dans laquelle je suis impliqué, donc je ne citerai pas le nom parce que ce n'est pas l'endroit, il faut faire de la publicité pour ses affaires, j'allais dire. On va décider de faire un don, un bon d'achat au Resto du Cœur. Ils pourront aller voir sur notre site internet, ils verront tout ce qu'on peut leur produire, qui sont des gigoteuses, des ponchos, des bavoirs, toutes sortes de choses comme ça. Et on leur offre un bon d'achat de 5000 euros pour... Bravo. Pour aller choisir ce qu'ils veulent. Donc 5000 euros qu'on peut rajouter à la cagnotte, hein, pour avoir une idée. 5000 euros, comme ça, d'un de coup. De vêtements. Comme ça, voilà, d'un coup. De vêtements sur les gigoteuses. C'est important, ça coûte cher en plus, tout ça. Et puis c'est quelque chose qui probablement pourrait être passé à une génération suivante de bébés, parce que c'est des choses qui sont de qualité, qui sont bien solides et qui ne vont pas se limiter à être utilisées pendant quelques mois. Ça pourra être distribué dans les familles, en tout cas. C'est formidable. Bravo François. Bravo, merci François. Oh ben merci François. François qui devient officiellement, comme le dit Edia, le Belge préféré des Français. Ouais. Ouais. C'est que vous n'en connaissez pas beaucoup d'autres. Non, ça c'est vrai. Quoi, vous ne connaissez pas beaucoup d'autres Belges? Non, Tintin aussi bienveillant, c'est non. C'est moi, je suis le préféré. Vous, Tintin. Elena. Mais en tout cas, en faisant de tels dons, vraiment bravo, bravo. Oh, vous connaissez quand même beaucoup de gens qui sont typiquement belges, des Benoît Poulvaux, des François Damien, des Stéphane De Groot. C'est vrai, c'est vrai. On se monte pas la François tête. François Damien, Béret Gisbourg. On t'a cité en premier. Virginie Efira aussi. Donc, moi, je me souviens à propos des premières fois, justement, et des enfants, il y a à peu près une quinzaine d'années, mon fils était encore petit. Donc, j'avais encore à la maison tout ce qu'il fallait pour des bébés. Je pars faire des courses dans un grand magasin, puis je vois une femme étrangère. Je précise parce qu'en fait, je ne pouvais pas parler avec elle. J'ai essayé. Vous n'aviez pas la même langue de voilà, on comprend, elle pour me communiquer. Pas. Oui. Et elle avait un bébé dans les bras et je me suis dit bah tiens quand je vais aller faire des courses je vais prendre au moins des couches quelque chose pour le petit, ça me faisait tellement de peine. Alors je suis arrivée. Des produits de première nécessité en fait. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. C'est ce qu'on fait, ouais. Et c'est parce que j'avais eu un enfant que je le savais. Mmh. Sinon je sais pas si j'y aurais c'est pensé. Vrai. Et donc je suis arrivée avec mon paquet de couches et tout ça. Et elle a eu un cri. Mais de joie et de détresse en même temps, jamais j'avais entendu un cri comme ça. Je l'ai encore en tête depuis toutes ces années. Ça a été, mais elle était tellement heureuse pour ce petit et tellement en détresse en même temps. Du coup, je suis rentrée à la maison, je suis allée faire des cartons, des sacs, des avec tout un tas de bazar de mon fils et j'y suis retournée, elle n'y était plus. Et voilà, donc malheureusement après je ne l'ai pas revue. Et pensez-y quand vous voyez une maman avec un bébé. Et en effet, les Radio Resto est là. Et surtout cette année encore plus pour les enfants. C'est tellement, tellement important. Parce qu'on ne se rend pas compte aussi, quand on n'a pas d'enfant, on ne se rend pas compte peut-être non. de la quantité oui. de couches que ça représente, par exemple. Oui. Les couches, c'est la première cherté, nécessité. Et la cherté. Et le prix des couches, lait, c'est hein. dingue. Ouais. Le lait en poudre. C'est incroyable, je crois que c'est 15 ou 16 euros luxe, la boîte pour faire boire nos bébés et les nourrir. Il faut savoir qu'entre 4 et 5 mois, en un mois, un bébé utilise 210 couches. Wow. En un mois. Alors, je peux vous dire que les bébés donc, qui ouais, ont... Non, mais voilà, c'est ça. C'est ils sont dans la 4 rue. Couches par jour, ils peuvent, parfois ils peuvent plus. Pas se retenir un peu. Non, mais et pour des jeunes parents, ouais. pour des familles dans la nécessité, etc. Ouais. Et ces bébés-là, malheureusement, ils n'ont rien demandé. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous aider à financer des kits bébés. Exactement. Alors, les 5 000 euros, François, viennent d'être mis dans la cagnotte. J'annonce 158 285 euros. Notre prochain objectif, 250 000. Et vous pouvez rajouter, grâce à la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et ce n'est pas vous, mais grâce à eux, vous allez pouvoir rajouter 60 000 euros. Vous imaginez, 60 000 euros, il est 15h24. On peut le faire uniquement grâce à vous si vous appelez maintenant le 01 850 90 600. Dans quelques instants, la musique continue avec notre invitée Marie Poulain. Mais avant cela, Valérie. Stop making a fool. Radio Resto, question pour un gros don. Gros don, ça me fait peur. Voilà, mais je sais pas. Question pour un gros don. Parce que c'est le nom d'un personnage aussi. Bah, peut-être, ouais. Ah oui, bah, il me semble, oui. Gros don, ça mettrait Seigneur des Anneaux ou Pokémon. Ou Pokémon. Ou Game of Thrones. Déjà dans le on voit la Game of Thrones. Wow. Game of Thrones, il y a un gros don. Il me semble. Dis donc. Pardon. Tu viens plus soirée. Tu viens plus gros soirée, gros don, tu vois, dis donc. Eh bien, ce qui rime avec gros don, c'est Léon. Léon le gourdon. Celui-là, il existe. Léon, par contre, pour les enfants. Léon le gourdon. Le bourdon. Ah, le bourdon. Le bourdon. Retirez-lui cette bouteille de vin blanc. Alors, entre Marie-Pierre et Caroline, là, ouais. Franchement, il y a un truc qui se prépare après l'émission. Je sais pas, ils ont fait un apéro avant, je pense. Non, il faudrait dire à Laurent Petit-Guillaume, lui dire qu'il faudrait faire une émission, nous, mais le soir. Très tard. Avec que des filles. Parce que c'était très bien avec Karine Le Marchand hier, à raconter des. Voilà, parler d'amour. Je peux tout. Tirer les cartes mais aussi. Nous, on parlera d'amour, mais après les rencontres. Il n'a pas dit d'amour, Laurent Petit-Guillaume. Il a dit un mot qui commence par S. Enfin bref. Léon, pardon. Bonjour Léon. Ça me le fait toujours. Il est parti. Ouais, il a raccroché. Toujours les filles. Peur. Et vous aussi, j'ai toujours ce grand moment de solitude. Ouais. Quand on a un auditeur, on fait tu fais bonjour Léon. Bonjour. Léon a 27 ans, vous venez de Paris. Tu viens, absolument. Tout le monde se tutoie. Ouais. Voilà. Ah ouais, et Léon est commercial, donc les chiffres, ça le connaît. Ah oui. Faut faire du chiffre. Vous parliez de première fois, je peux vous en livrer une. Oui. Ah bah, oui. Allez-y. Ah, c'est ma première fois à la radio. Ah. Ah. Tu vas t'en souvenir, Léon, je te le dis. J'espère. Et Léon, parce que c'est vrai, on se souvient toujours de sa première fois. Absolument. Léon, une première fois en radio. Trois questions. Là, on rigole plus du tout. On est très, très sérieuse. Léon, on a trois questions à vous poser. Je dis on parce que les filles vont pouvoir vous aider, même si c'est totalement interdit. Mais on va quand même le faire. Mais on se revoit à nouveau, du coup. Pas du tout, non. Je ne sais pas pourquoi tu dis vous. Et moi, j'ai toujours dit tu. La mauvaise foi. Totalement. Alors là, c'est totalement belge, ça. Totalement, ouais. Totalement. Léon, je te pose trois questions. Tu réponds correctement, s'il te plaît. Ouais, déconne pas, Léon. trois questions et ce sont 60 000 euros versés directement grâce à la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Allez, il a combien de temps pour répondre? Suspense. Il a intérêt à se dépêcher. Est-ce qu'il regarde sur YouTube, comme ça on peut faire une interville? Ah oui, montrer, tricher par les doigts. Regardez sur YouTube, on t'indique la bonne réponse. Une Olivier Chabonneau. voilà. On peut faire une interview. Léon, première question, attention. Je suis prêt. Ce sphinx, les filles Olivier Chabonneau, là. Oui. Faut pas être partout. Écoutez bien. Oui. J'ai trois propositions à vous faire à chaque fois. J'ai trois propositions à te faire à chaque fois, Léon. Et elles sont totalement décentes. Pour commencer, quelles conditions est demandée pour devenir bénévole au Resto du Cœur? 1. Être disponible 30 heures par semaine. 2. Être motivé. Ou 3. Être retraité. Motivé. Il faut rester motivé. Motivé. Il faut rester motivé. On ne vous aide absolument très pas. Discret. Je dirais comme ça que la première qualité à avoir, c'est être motivé. Il est incroyable, Léon. Incroyable. Allez, plus que deux. ça c'est la petite clochette qui dit tourne la page. Ah non, tu as une bonne réponse. Deuxième question. Dans quelle ville aura lieu le spectacle 2025 des Enfoirés? Ah mais ça, pour le coup, je peux... Vas-y. Mais je peux le tenter. Vas-y, ouais. C'est Montpellier. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est la bonne réponse. Ouais Montpellier. Faut aller à Montpellier. Ce sera à la... Ça se dit, c'est la Sud de France Arena. Ouais. C'est comme Sud de France Arena à Pérols, au sud de Montpellier. En janvier. À côté de la gare TGV, quoi, en fait. Voilà, exactement. Pour ceux qui visualisent. Il y a une place et puis il y a une petite boulangerie. Il y a un rond-point. Un tabac et une église. Et un rond-point. Ouais. Restez vigilants sur les réseaux sociaux. Hein, la billetterie va ouvrir très prochainement, à ne pas manquer. Léon. Allez, dernière. Jusqu'à présent, Léon, on t'aimait bien. La pression, vous allez continuer à m'aimer. Ne flanche pas. Léon, le champion. Léon. Allez, Léon. Il n'a pas une question rattrapage s'il perd ? Non, mais il ne perdra pas. Non, mais il perd sa main dans sa... Non ! Non, je rigole. Léon. Les... Non, rien dans, Léon, dans sa radio. Vas-y, parce que je suis en train de faire de la tachycardie, donc alors, balance là ta question. Là, on est sur de l'histoire. Ah ouais, là, tout le monde s'en va. Sur quelle radio le général de Gaulle lance-t-il l'appel du 18 juin 1940 ? 1. France Inter. 2. La BBC. Ou 3. Energy. BBC. C'est bien, c'est la BBC, évidemment. Attention ! Merci pour l'aide, mais je dirais la BBC. Mais est-ce que tu es sûr, Léon ? Arrête ! Est-ce que c'est... Attendez, je me prends pour Arthur hier. Ah ouais ? Ah, qui veut gagner ? D'accord, j'ai compris. Qui veut gagner, 60 000 euros pour les Restos du Cœur ? Est-ce que vous confirmez votre Léon, réponse, est-ce Léon que c'est ton dernier mot, Léon ? Absolument, Bérénice, c'est mon dernier mot. La BBC, est-ce une bonne réponse, Fée Clochette ? Je suis Léon le Gourdon. Sur Tinder, tu peux mettre ça, ça va être un carton. C'est Léon le Gourdon, de Gourdon. Parce que ça existe, Gourdon, c'est une ville, tu sais. Oui, non, mais nous, on était partis dans des trucs. Non, mais Marie-Pierre, non, tu es très sage. Trop sage. Nous, on est partis dans des trucs. Léon le Gourdon, elle a dit. Eh ben voilà, c'est ce qu'on avait compris, évidemment. Le Gourdon, Léon le Gourdon. Mais ça, non, on ne peut pas. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ? 60 000 euros, je vais actualiser. Vas-y, actualise. J'avais actualisé la banque, mais il faut que tout le monde s'actualise aussi en même temps, ça va peut-être un peu vite. Léon, on te remercie vraiment, on t'embrasse toutes. Si tu étais là, on t'embrasserait dans la bouche, mais tu n'es pas là. Et ça nous arrange. Un câlin, c'est déjà à quel endroit exactement ? Non. Voilà, c'est actualisé. Parce qu'il est à Paris en plus. 218 600 Notre objectif, c'est 250 000 euros à 15h35. Anissa, c'est possible ? Mais attendez, là, tu es en train de me dire si en 25 minutes, on peut aller jusqu'à 250 ? Ouais. Impossible, 32 000 euros en 25 minutes ? Ouais, tu calcules vite. Ouais, t'as vu ? Ouais, rapide. 32 000 euros. On peut le faire, Caro ? Évidemment. Alec ? Bien sûr. Oui. Mais allez ! Allez les gars, allez ! En 25 minutes, on passe le prochain cap. 250 000 euros. Moi, je veux pas être l'oiseau. Mais ça va, moi, j'ai confiance en nos auditeurs. Regarde, on a pris l'antenne, on était à 141 000 euros. Exactement, on a... Mais non, ouais, mais elle a raison, elle a raison. Après, on a... à 14h32, on est passé aux 150 000. On a pris l'antenne à 14h03, il y avait 141 000 euros dans la caisse. Il est 15h36, il y a 218 000. 620. Alors, si on n'arrive pas à 250 avant 16h, on reste jusqu'à 19h. Attention. Je trouve une idée. Okay. On revient après la musique. Tiens, la musique, on va rester dans les années 80. Je fais un don là. Alec, faites un don. Radio. Sur des musiques noires. Ah oui. Je l'adore. Vous vous souvenez de lui ? Thierry Pastor. Son énorme moustache. Son énorme moustache. Mais si. Ah ouais, il a une grosse moustache. Grosse moustache. C'est pas vrai. Et son gros don. J'écoute les musiques que j'aime. Radio, ensemble pour les Restos du cœur, c'est Radio Resto, saison 5. Ça, c'était Thierry Pastor avec des musiques noires. Thierry Pastor, c'était ça aussi. Ah oui, c'était... La, la, la, la, la, la. Ah oui. La, la, la, la, la. Le coup de folie, c'est pas fini. Stevie Wonder dans la jukebox. Ça suffit. Folie. Si c'est fini. C'est pas fini. C'est fini. Eh ben voilà, c'est fini. Bah là maintenant, c'est fini. Radio Resto. Oh les filles, le temps des premières fois. Caroline, Alexis, Anissa, Adadi, Marie, Pierre, oui. Chambry, Karima et Dia Charini. Inséparable. Ça se passe bien les filles? Ça se passe hyper bien, bien, mais là moi je suis, tendue. Je veux 250. T'es tendue Anissa, t'es tendue. Je suis tendue, Natacha, je suis tendue. Alors, il est 15h41. Ouais. Il y a 3 minutes avant le disque, on s'était dit, allez, est-ce qu'on peut arriver au deuxième palier? Le deuxième palier, c'est 250 000 euros. Vous pouvez le suivre sur Radio Resto, sur le Radio Player, sur l'appli, enfin partout. Vous pouvez suivre ce biberon qui se remplit au fur et à mesure. On a pris l'antenne à 141 000 euros déjà. Je pense qu'on est sur un record déjà. Oui, je voilà. On peut le dire. Bah, j'ai envie de dire, Anissa, nous, ça fait la deuxième fois qu'on fait cette émission ensemble. À chaque fois, on bat notre émission bat des records. Je dis ça, je dis rien. Mais... Est-ce que les gens qui hésitent encore à faire un don, mais même de 10 euros, peuvent nous aider à devenir les recordman de Radio Resto? Ça serait génial. Est-ce qu'on pourrait passer un deuxième palier pendant cette émission? Woman, du coup. Ou alors, je propose autre chose. Oui. Mmh. On dit à tous les autres qui vont parler sport, bah qu'on reste à l'antenne tant qu'on n'a pas passé le palier. Non, je déconne. Nous, on parle de sport. Alors oui, Marie-Pierre. Bah, ils ont des fans, donc c'est bien si on les présente. Il y a Patangeli, il y a Jean-Louis Touré, il y a Pia Clemens, Jean-Louis Touré, Florian Gazon. Et Eric Rabessandratanan. Ah oui, alors c'est mon coach bien-être, lui, sur Instagram. Il poste que des trucs. Moi, je suis assez d'accord avec Anissa et de prendre l'antenne en otage. On ferme le. On séquestre Laurent Petit-Guillaume. On ferme. Si on n'arrive pas, attention, si on n'arrive pas aux 250 000 avant 16h. Ça veut donc dire que tous ceux qui ne peuvent plus nous supporter et qui veulent vraiment qu'on se casse à 16h, faites des dons maintenant. C'est on se casse à 250 000. Beaucoup de dons jusqu'à 16h. Sinon, je chante. Attention. Les gars, en duo avec Edia. Col chic dans les bras. Je pense que ça peut. Fleurisse, col chic dans les bras. C'est la fin de l'été. Faites des dons. Bah, tu vois, ça va. On est en train de voir le biberon se remplir. Faites des dons, s'il vous plaît, parce que le problème, c'est que nous aussi, on est bloqués dans le studio. Donc faites des dons, s'il vous plaît, pour qu'elles arrêtent. Libérez-nous. Pas que pour les bébés, pour nous aussi, faites des dons. Sortez-nous de cet enfer. Si vous voulez que ça s'arrête, faites des dons. Oui. Je vais me taire, parce que je me mets à genoux, à plat ventre, devant une vraie artiste, Marie-Pierre. Vous connaissez cette chanson? C'est comme ça qu'on l'a découverte, parce que ce timbre de voix est exceptionnel. Perso, j'aime pas trop les chanteuses qui s'excitent dans les aigus. J'adore les chanteuses qui ont... Genre Colchicolo. Non, tu vois, le contraire de ça, j'aime bien. Et cette voix de Marie Poulain, qui est en plus une artiste accomplie, qui fait tout, compositrice, auteur, j'avais envie de la faire passer, cette chanson-là, La Demande, qui est une très jolie chanson, qui fait partie d'un album, elle vous en parlera après. Et on l'écoute maintenant, c'est sa première fois dans Radio Resto. Marie, on est très content que tu sois là. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Super, Marie, merci. Et on va essayer de faire péter le score de le score. Allez. On fait péter. Bah, allez. La Demande, ça s'appelle. Tu lui as demandé sa main, sans oublier votre refrain. Vous avez dansé tous les deux, le cœur ouvert à l'inconnu. Sur toutes les avenues, tu lui as demandé sa main, et tu le referais demain. Une paire d'écouteurs pour deux, vous partirez vers l'inconnu. Sur cette terre, c'est prévu, ma chanson est dédiée aux gens qui se battent pour un amour toujours plus grand, et qui font de leur vie en plein acte un soleil levant. Tu lui as demandé sa main, sans oublier votre refrain. Vous avez dansé tous les deux, le cœur ouvert à l'inconnu. Sur toutes les avenues, tu lui as demandé sa main, et tu le referais demain. Une paire d'écouteurs pour deux, vous partirez vers l'inconnu. Sur cette terre, c'est prévu. Ma chanson, c'est surtout la leur. Ils m'ont inspiré ces mots qui viennent du cœur. Quand ils dansaient aux premières lueurs du soleil levant, cette façon d'épouser la vie, de penser qu'on n'en a qu'une et qu'un aussi, c'est sûrement un des plus grands bonheurs quand on a 100 ans. Tout doucement, elle te réveille pour te faire part de la nouvelle. Vous ne serez bientôt plus deux, un écouteur au bas son cœur. Il portera le nom du chanteur. Tu lui as demandé sa main, sans oublier votre refrain. Vous avez dansé tous les deux, le cœur ouvert à l'inconnu. Sur toutes les avenues, tu lui as demandé sa main, et tu le referais demain. Une paire d'écouteurs chacun, vous partirez vers l'inconnu. Sur l'air d'un amour sans fin. Marie Poulain. Bravo Marie. Viens, viens Marie. Viens. Elle chante bien, elle est talentueuse, elle est belle. Elle chante bien. La voix de Marie. Qu'est-ce que du coup j'ai honte d'avoir chanté devant elle comme ça. Enfin si on peut appeler ça chanter. Non, t'es pas chanteuse toi, elle est chanteuse. Une vraie conteuse d'histoire. Ouais, c'est ça surtout. Oui, voilà, c'est ça. Une vraie conteuse. En fait, il y a une ambiance dans cette chanson. Quelle voix Marie. Marie, merci beaucoup. Elle est magnifique. J'avais énormément le trac, hein. Je crois que ça s'est entendu. Ouais, mais c'est ça, c'est aussi la fragilité qui est aussi jolie. Ouais. Nous on a le trac et c'est pour ça qu'on dit que des bêtises. Donc franchement, non, c'était impeccable, extraordinaire. Bon, merci Marie-Pierre. Merci à vous de pouvoir avoir pu inviter Marie. Oui, merci Marie-Pierre, c'est grâce à toi. Mais non, mais tu vois, il faut que tu partages aussi cet univers dans cet album que tu fais avec tes propres chansons. Mmh. Et donc voilà, c'est important que les gens te connaissent, mis à part le beau duo que tu as fait avec Calogero. Et beau, c'était doux. J'avais l'impression de voir mes grands-parents danser. Ah oui, ma mère adore cette chanson aussi. En fait, c'est ça l'esprit. Hein. Moi aussi, j'ai pensé à mes grands-parents en écrivant cette chanson. C'est sublime, merci. C'est une dédicace pour tous nos parents et nos grands-parents. Cette chanson, c'est ça rassemble toutes les histoires d'amour de nos familles. Ouais, en fait. Et puis à ces couples qui durent, quoi. Ouais. C'est ça, surtout. C'est fou, ces couples qui restent ensemble des années. C'est quoi le secret? Je sais. C'est eux qui vont danser. Il y a une recette, il y a quelque chose. La communication ou l'argent. Ouais, enfin, je sais pas, moi je pense comme ça. Parce que moi j'ai le nez sur la cagnotte. Ah, oui. Alors, on en est où? Ah, bah oui, non, mais alors, moi zéro, je suis romantique. Mais là, franchement, Marie, reste avec nous parce que je rafraîchis la cagnotte, 218 710. Allez. Et il est 15h48. Marie, on s'est lancé un défi, t'as entendu? On s'est dit, ouais, voilà, on se l'a un peu pété. Je dois l'avouer, on s'est dit, ouais, à chaque fois, nous on fait les meilleurs trucs et tout, voilà. Et nous, on est sûr que. Avant, il nous reste 11 minutes qu'on va passer le palmier des 250 000 euros. Les auditeurs viennent de t'entendre, ils sont sous le charme. Profites-en, parce que nous, on peut user et utiliser tout. On utilise tous les moyens pour avoir de l'argent. Et ta chanson s'appelle La Demande. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux en faire une demande aux auditeurs de Radio Resto? Oui, s'il vous plaît, c'est pour les bébés. C'est une cause tellement magnifique. D'ailleurs, moi, dès qu'on m'a dit que c'était pour cette cause-là, j'ai pas hésité une seule seconde. Et d'ailleurs, j'ai même préparé une autre chanson au cas où, si on me demandait, qui s'appelle Tous les cris, les SOS de Balavoine. Ah. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dont l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Donc s'il vous plaît, faites des dons. Marie, entre nous, est-ce que quelqu'un peut me filmer, mais que moi? Toi tu mimes. Et Marie chante. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Et Marie, ça serait génial. Est-ce qu'on peut faire ça? Tous les cris, les SOS. Ça va être un buzz, ça. Ça, c'est sûr. Donc non, il faut surtout pas qu'on voit Marie. Hein. Allez, très bien. Trois. Je fais un mouvement de tête comme ça. Juste à la fin, quoi. Tous les cris, les SOS. C'est pas sympa. Romain, mince. Non, on fait ça refaire. Ok, on l'a refait. Là, je suis sérieuse. 3, 4. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Voilà, j'aime Bérénice, j'ai les frissons. Mais il faut que tu absolument que tu chantes. C'est incroyable. Bérénice, je te fais un album. Non, mais elle fait ça au dernier moment. Les frissons, Bérénice. Ouais, c'est beau, ça va bien cette chanson. Je peux m'inscrire à la Starac. Ah bah là, là c'est l'Eurovision direct. Est-ce que t'aurais fait la Starac, tiens, Marie? La Star, j'ai toujours adoré. C'est, ouais. J'ai grandi devant la Starac. C'était mon rêve, danser, chanter, tout ça. J'adore. T'avais voté pour Karima à l'époque? Tu peux dire non, tu seras pas la seule. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus de Karima, malheureusement. J'ai fait la 4, moi. Ah, mais t'es pas née. Ah, c'est toi? Oui. Ah, tu peux la toucher. Je m'en rappelle plus de celle-là. Eh ouais, Grégory Le Marchal. Oui. Des meilleures saisons. Non, c'est vrai. Oui, bah, c'est nous les meilleurs. Comme cette équipe est la meilleure, je ne m'entoure que les meilleurs. Les filles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est, non elle, quand elle fait cette tête, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé. Mais les filles, je gère le temps 15h51. Ouais, ça passe trop vite. 220 210. C'est super bien! Allez, on continue! Allez, les copains! Oui. Ah, super bien. Il faut 30 000. Oui, faut, mais on est bientôt arrivé au prochain palier. En 9 minutes, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que tous vos potes qui n'ont pas de plafond de carte bleue, là, c'est le moment. En 9 minutes, ce serait. Vous n'avez pas des potes chefs d'entreprise, tout ça, là? Et on rappelle que tout ça, c'est défiscalisé. Nous, on a un patron qui a beaucoup d'argent. Alec, est-ce qu'on peut chanter un petit peu pour. Faire monter la sauce? Ouais, non, pour. Mais c'est vrai que chaque fois qu'Alec chante, il y a une pointe. Ouais, je te laisse en place. Est-ce que ça ramène des dons? Est-ce que. Alors, je vais bien chanter. Mais ramène ta fraise déjà. Et après, mais bien sûr que ça ramène des dons. Allez, on va vivre ça d'abord, en bravo, direct. Hein, j'adore, grand talent. Non, si oui. Tu veux, est-ce que quand je chante, il y a 3000 personnes qui peuvent mettre 10 euros, c'est possible? Ok, on essaye. Ça serait trop. Rue des airs, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Je veux un disque de funky music. Faut que ça danse. J'aime cette fille sur talons aiguilles qui se déhanche. Ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur. Ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur. Allez, on met des dons, on fait des dons. 10 euros tout le monde. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça, qui ça? Les mots de Mimi. Où ça, où ça? M'entraîne jusqu'à le sommet. Allez, c'est chenille. Jusqu'au bout de la nuit. Moi ça je monte pas jusque là. C'est pas qu'on les connaît pas, c'est qu'en général, on n'est pas super sobre au moment où arrive cette chanson. C'est tard dans la nuit. Parle pour toi. Révélation. Et une autre. Alors une chanson de Léo Grodon et vous. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Allez, faites des dons, hein, 10 euros chacun. Qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse? C'est l'amour. Allez, elles font les réponses. Oh, mince. Je prends l'entrée et puis le plat du c'est jour. C'est quoi? C'est l'amour. Sur radio. C'est pas mal, hein. Restoducœur.org. Toi et moi dans le même Bermuda. C'est l'amour. Et sur le refrain, tout le monde fait des dons. C'est parti, on lève les bras. Allez, on y va. C'est l'amour. Donc, il reste 6 minutes. Si en 6 minutes, 3000 personnes, il y en a plus qui nous écoutent. Si en 6 minutes, 3000 personnes donnent 10 euros. Arrêtez. Exactement. On passe le palier. Le calier. Alors, Michel. 3000 personnes donnent 10 euros. Oui. On passe le palier des 250 000 euros. Il est maintenant 15h55. Eh bien, il reste 5 minutes. Anissa, avant, parce que j'ai promis, il faut dire au revoir à François. Oui, bien sûr. François. François le Belge. François le Belge. François, ouais. François, il reste 5 minutes. François, il n'y a pas assez de sièges. On est trop, mais parce qu'on passe vraiment un bon moment. François. Non, mais François, mets-toi là. Voilà, François. Ah ouais, chef. À ma place. Viens. Oui. Allez, dépêchez-vous. Oui, dépêchez-vous. Le compteur tourne. Le compteur tourne. Et là, je rafraîchis. Un petit mot de fin, François. Eh bien, comme je suis revenu, il faut payer impôt sur le revenu. Hein, donc je viens. Voilà, moi j'ai aussi trois questions à vous poser. Si vous répondez bien, je rajoute quelque chose. Ok, d'accord. C'est la quantième saison du... Cinquième. Vous avez une bonne réponse. Ouais. Quel est le montant actuel de votre cagnotte? 220 315 euros. 220 315. Oui, attendez, je rafraîchis. Eh bien, combien faut-il pour arriver à 305 000 euros? Il manque moins de 30 000. Il manque 30 000 euros. Combien faut-il ajouter pour arriver 29 700 à 250 000. Non, mais pour arriver à 305 000. À 305 000 oui. Pourquoi 305 000 Parce que c'est ce que je vais ajouter pour y arriver. Comment ça? C'est-à-dire? Je sais pas, c'est les chiffres, François. Oui, je suis pas avec les lauriers. Ça veut dire quoi, François? Là, on est à 220 000. Non. C'est toi, les chiffres. On est à 220. Ben, si on ajoute 85, mais c'est un peu moins, puisque vous êtes à combien, là? Là, on est à 220 000, François. On est à 220 565. Eh bien, on me dira, en régie, ce qu'il faut rajouter pour arriver à 305 000. On peut pas. 85 000. Parce que ça n'arrête pas de changer tout le temps. Alors, je rajoute 85 000, comme ça, vous êtes au-dessus des 305 000. 85 000 euros. Mais si, j'ai dit l'année dernière que la générosité faisait partie des listes qui devaient augmenter. Donc, comme j'avais donné 80 000 l'année dernière, bah, je vous donne un peu plus cette année. François, je peux venir vous faire un câlin? Oui, oui. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal. La, la, la, la, la, la, la, la. Il mériterait, il mériterait, il mériterait. Je retiens que vous n'êtes pas rapide en calcul mental. Pas du tout. Non. En fait, on était sous choc, surtout. Oui. Est-ce que tu vas nous faire pleurer tous les ans, François, en fait? Ben, ça dépend si vous continuez. Coluche disait que ça ne devait pas durer trop longtemps, que ça devait s'arrêter. Bon, voilà, malheureusement, on ne l'a pas entendu. Je vous l'annonce officiellement. 305 675 euros. Président, plus cher président bénévole qui est jusque-là. Non, François. Président Patrice. Allez, Patrice, nous vivons dans un royaume en Belgique. C'est vrai, il faut qu'on... Président. Vive le roi. La liberté. François, vous êtes avec nous, président. François, président. Le vrai président. Patrice Douai qui était agité. Peut-être que les présidents ne sont pas généreux avec les autres et gardent tout pour eux. C'est vrai, d'habitude. Patrice. Tu disais tout à l'heure, Bérénice, c'est le Belge le préféré des Français, mis à part toi, je le confirme. Voilà, merci beaucoup François, merci beaucoup et merci à tous, parce qu'encore une fois, c'est grâce à des personnes comme vous et tous ceux qui nous soutiennent qu'on arrive à faire ça. Voilà, et bravo encore. Et il faut encore plus. C'est vrai qu'il n'y a pas de frontières. Non. Vous nous appelez les petits Belges. Parce qu'on est moins nombreux, on va dire ça. On est c'est moins. C'est Belge, mais grand cas. Et on est moins bon au foot. On va pas finir fâchés. Quand on perd 2-0 face à la France, c'est qu'on est moins bon au foot. Oui, mais on vous laisse gagner parce que vous avez de l'arme nucléaire. On a peur de vous. Règlement de compte. Et la transition est parfaite. Hein. Mmh. Eh oui, Marie-Pierre. Bah, le sport. Qu'est-ce qui suit après nous? E-sport, toute une équipe de... J'avais dit quelque chose l'année passée, c'est qu'il fallait qu'on t'entende un peu plus sur les ondes, et notamment en France, mais on ne t'a pas beaucoup entendu. Ils ne nous entendent pas quand on lance un appel. Il fait mon agent. Il est bien, François. Il faut que Bérénice revienne. Jeune fille fraîche, avec une... Voilà. Pourquoi vous riez? Béré est un bon produit d'exportation de la Belgique, comme quelques autres qu'on vous envoie de temps en temps sur les radios. On a Alex Visoré qu'on a. Oui. Moi, vous me donnez un micro, moi j'arrive. Moi, je viens à pied, à cheval. S'il y a un patron de radio qui t'écoute et qui sait que t'es capable de ramener presque 200 000 euros en 2 heures d'antenne, t'es embauché demain. Mais la seule condition, c'est que ça vienne au resto aussi. Ouais, hein. Exactement. Voilà. Bon, les filles, il nous reste 15 secondes. Caroline Alexis, merci. Anissa, Daddy, merci. Marie-Pierre Chambry, merci. Les sœurs Charny, Karima et Diane, merci. Merci à Basile Palace, merci. Oui. Alec Mention, merci. Marie Poulain, bravo. Et merci Bérénice. Merci. générosité. Et vive les Restos du Cœur. Allez, on se bat jusqu'à la fin du week-end. Les Restos du Cœur, il y a une question de sport. Et oui, le sport. Et n'oubliez pas, après, c'est Plan A3 à 22h. C'est une émission. On peut revenir. C'est la meilleure émission de radio du monde. Ouais. Vous pleurez de rire. Après nous. Avec Laurent Petit-Guillaume, avec Manu Lévier et Bruno Guillon l'année dernière. J'avais mal au ventre tellement j'ai ri. Bah, Plan A3, on peut avoir mal au ventre. À 22h. Pour l'histoire et les gens qui nous écoutent en ce moment, il faut savoir que Laurent Petit-Guillaume, Manu Lévy et Bruno Guillon sont eux qui ont créé Radio Resto. Voilà, absolument. Donc rien que pour ça, on les salue, on les embrasse et que t'es des sous aussi. Bravo, merci beaucoup. À très bientôt. Continuez à faire des dons. Et la suite, c'est après les infos. Merci à toute l'équipe. Ciao! Ciao!